Joli cheval gris. Cependant, leur avançant, je devais beaucoup de peine à traverser les 50 kilomètres que je dois parcourir. Ouais, monsieur Henri, monsieur était allé prendre du clairin à la Guilive. La bougie a pris communication avec ses liquides. Le feu a tout consumé. Le pauvre, il s'enfuit, un jambe cassé. Oh, misérable, imbécile. Tu disais qu'il n'y a rien. Ouais, monsieur Henri, saute-t-il toujours? Le médecin voit un traitement assez sérieux. Heureusement, le tétanos a vite fait son travail. Depuis 2 mois, monsieur Henri ne souffre plus. J'achève de malheureux jours. Durant les trésors, durant les 2 années que tu as passé dehors. Et adieu, cher patron. Et que les chiens soient le gardien de ton cadavre. Ce soir, je m'en vais tu, bande avec 5 ans, accompagné de quelques demoiselles ici présentes, si je ne me pas trompé. Moi, pas que l'argent, pas qu'un bel auto, c'est ça que je vais jouer la vie. Mais bon Dieu, bon, il y a un jour ma valise. Pour me faire tout s'appeler, moi pas découragé, un jour quand même, ma joie nous fait chance. Mais dans la vie, c'est vivre en espoir, pas désespéré. L'œil au nom garçon, fort capable de supporter. Leur posséder demain, pour capable réaliser, ça c'est vrai. L'œil en homme garçon, ou à supporter, faut pas dépatienter. Leur posséder demain, pour capable réaliser. Le yon homme garçon, wap supporté, faut pas dépatienter. Le procédé demain, pour capable réaliser.